Dialogue de l'unité 6. Les voyages et les excursions. Semaine 3 et 4. Jian raconte à sa grand-mère son excursion au club équestre. Tu es contente de ton excursion au club, Jian? Oh oui, mamie! J'ai passé une belle journée avec mes camarades et j'ai appris à faire de l'équitation. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Nous avons fait une longue balade entre les arbres tout verts, puis nous avons mangé un repas délicieux. Tu n'as pas eu peur du cheval? Non, mon cheval était calme et gentil. Il trottait doucement. Je lui ai donné des morceaux de pommes comme récompense. Bravo, ma championne! Ce club est immense et les chevaux sont bien dressés. Je vais y retourner avec maman.